le cou de la girafe. Hier, dans mon bain, je me suis demandé « Mais qu'est-ce qui est le plus long, le cou de la girafe ou la trompe de l'éléphant ?» Pour vérifier, j'ai pris ma règle dans mon cartable et je suis allée au zoo. J'ai commencé par l'éléphant. C'était difficile, il bougeait tout le temps. Alors je suis montée sur le bout de sa trompe. Mais l'éléphant n'était pas content du tout. Il a levé sa trompe et m'a jetée en l'air. Heureusement, je suis tombée assise sur la tête de la girafe. Mais la girafe n'était pas contente non plus d'avoir une petite fille sur sa tête. Elle l'a secouée très fort de haut en bas. Je m'accrochais à ses oreilles, mais j'ai glissé quand même. Et là, génial ! J'ai fait du toboggan sur le cou de la girafe. Vite, vite, je suis remontée sur la trompe de l'éléphant pour refaire du toboggan. Finalement, j'ai passé une bonne journée. C'est rigolo d'aller au zoo. Mais je ne sais toujours pas si le cou de la girafe est plus long ou plus court que la trompe de l'éléphant.